الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. Sachez que la patience fait partie des caractéristiques des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui disent, ô Seigneur, nous croyons en toi, pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu, ce sont les patients, ce sont eux les patients qui sont endurants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à la patience et à l'endurance. Il dit, ô vous qui avez cru, soyez endurants et incitez-vous à la patience. Et sachez que la patience dans le Coran est de trois sortes. La première est de patienter dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la personne doit être assidue dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné comme pilier de l'islam. Et cette patience est le résultat de la véracité de sa foi, ce qui pousse le musulman à patienter dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire. Tu le vois accomplir la prière en son temps, il se force à la faire comme il se doit, avec ses piliers et ses obligations. Il y est endurant parce qu'il aime obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait qu'Allah aime qu'on lui obéisse dans cette adoration. Et c'est pareil pour les autres adorations, comme la zakat. Dès qu'il peut la donner, il le fait par obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est patient et endurant pendant son jeûne, se retenant de toutes les futilités qui pourraient diminuer de sa récompense. Il est endurant et patient également pendant le pèlerinage, ainsi que dans toutes les autres obéissances et adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées. Il est heureux de vivre afin de pouvoir mettre à profit cette vie pour attirer le maximum de provisions pour l'au-delà. Et le musulman ne doit pas se souhaiter la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, plus la vie des croyants est longue, plus elle lui rajoutera du bien. Rawahu al-Bukhari. Et la deuxième catégorie est que la personne doit être patiente et ne pas tomber dans les interdits et ne pas transgresser les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposées. Il doit se retenir et s'en écarter tout en espérant la récompense d'Allah et en le craignant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Et il dit, et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme contre ses passions, le paradis sera alors leur refuge. Et le musulman doit patienter contre sa propre personne, qui l'incite à désobéir. Il doit patienter contre les passions qui l'attirent. Il doit patienter contre les mauvaises fréquentations. Il doit patienter contre les pièges de cette vie d'ici-bas. Et il doit se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il fait à chaque instant. Il doit se rappeler qu'il se retrouvera devant Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre des comptes. Rien que cela doit le faire patienter à ne pas tomber dans les péchés, mais plutôt à avoir les pieds en l'air. Et la troisième catégorie est de patienter sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, même si cela fait du mal. La personne doit être satisfaite de ce qu'Allah lui a écrit, et son cœur doit s'apaiser quant au décret d'Allah, et il doit s'y soumettre et s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman ne doit pas vouloir que tombent sur lui les problèmes et les calamités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne souhaitez pas rencontrer l'ennemi pendant la guerre, mais demandez à Allah qu'il vous laisse en paix. Mais si vous les rencontrez, patientez. Et la personne demande toujours à Allah la paix et la tranquillité. Mais si une calamité le touche, il doit patienter et se satisfaire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah s'étonne du croyant, car toutes ces situations sont dans le bien. Si une bonne nouvelle lui parvient, il remercie Allah. Et si une calamité ou des problèmes le touchent, alors il patientera. Sachez que des textes de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, viennent exhorter les croyants à patienter et à invoquer Allah, ainsi que de s'en remettre à lui quand des problèmes les atteignent. Salama dit que son premier mari, Abu Salama radiallahu anhu, lui dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'y a pas un croyant qui est atteint par un problème et qui dit, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Ô Seigneur, récompense-moi pour cette épreuve et donne-moi mieux que ce que j'ai perdu. Allah le récompensera et lui donnera mieux. Du coup, Abu Salama, son mari décéda, elle dit ceci. Elle dit, elle a une invocation, mais au fond d'elle-même, elle se dit, comment pourrais-je trouver mieux qu'Abu Salama? Puis quand sa période de deuil se termina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tapa à sa porte pour la demander en mariage. Elle lui dit, Ya Rasulallah, au prophète d'Allah, ce n'est pas que je n'ai pas envie que tu me maries, mais j'ai peur que tu vois en moi certains défauts. J'ai peur que tu vois en moi certains défauts avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala me châtirait. Et en plus, je suis très jalouse, et j'ai maintenant un certain âge, et en plus, j'ai de nombreux enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, en ce qui concerne la jalousie, j'invoquerai Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il l'a tenu. Et en ce qui concerne ton âge, on a presque le même. Et quant à tes enfants, ce sont les miens. Allah subhanahu wa ta'ala lui remplaça Abu Salama par mieux, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'elle a patienté et a appliqué la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Et sachez donc sans aucun doute que le croyant est triste et malheureux quand il est atteint par un malheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais il doit invoquer Allah et se dire qu'Allah lui donnera une énorme récompense s'il patiente et est satisfait de ce qu'Allah lui, subhanahu wa ta'ala, lui a destiné. Il se peut que la personne soit éprouvée dans sa chair, dans ses enfants, dans ses biens ou dans son honneur. Mais le fait qu'il patiente l'aidera à surmonter cette épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'ange de la mort prend l'âme de l'enfant du musulman, quand l'ange de la mort prend l'âme de l'enfant du musulman, Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous avez pris l'enfant de mon serviteur et le fruit de son cœur. Qu'a-t-il dit? Les anges diront, il t'a loué et est revenu à toi en se repentant. Allah subhanahu wa ta'ala dira à ses anges, construisez-lui une maison au paradis et appelez-la la maison de la louange. Rawahu Ahmed. Quant aux sœurs, sachez que la femme se patienter contre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit est quelque chose qui est demandé en islam pour les femmes. Et écoutez cette histoire d'une femme de compagnon, comment elle a patienté dans l'épreuve. Et ces femmes-là doivent être un exemple pour les femmes d'aujourd'hui. Cette femme est Umm Sulaym, la mère de Anas, radiallahu anhu, l'épouse d'Abu Talha, l'Ansari, radiallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné un enfant, et par son immense sagesse, il reprit son âme. Quand Abu Talha revint et demanda des nouvelles de son petit, Umm Sulaym lui dit qu'il ne pouvait pas être plus tranquille. C'est-à-dire qu'il est mort. Mais Abu Talha ne l'avait pas compris dans ce sens. Elle lui prépara un repas, elle se fit belle pour lui, et ils eurent un rapport cette nuit-là. Et quelle femme aurait fait ceci de nos jours? N'importe quelle femme serait en train de se lamenter d'avoir perdu son enfant. Al-Hasil, Umm Sulaym dit à son mari, Abu Talha, que dirais-tu si des gens prêtaient quelque chose à d'autres, et puis ils voudraient le récupérer, et puis ils voudraient récupérer cette chose? Serait-il en droit de refuser? Abu Talha dit non, il n'aurait pas le droit de refuser. Elle lui dit alors, Allah subhanahu wa ta'ala a repris l'âme de ton fils. Abu Talha, radiallahu anhu, s'énerva et lui dit, tu m'as laissé me souiller avec toi, et après tu m'as informé de ceci. Il alla voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui raconta ce qui venait de se passer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, as-tu eu un rapport avec ton épouse cette nuit? Il dit oui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, qu'Allah bénisse cette nuit, qu'Allah vous bénisse dans cette nuit. Et Umm Sulaym tomba enceinte. Les jours passèrent et Abu Talha partit en guerre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il emmena avec lui son épouse, Umm Sulaym, comme c'était leur habitude à l'époque, qui était enceinte. Sur le chemin du retour vers Médine, elle commença à avoir les douleurs de l'accouchement. Et Abu Talha invoqua Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il retarde l'accouchement jusqu'à leur arrivée à Médine. Et quand ils arrivèrent à Médine, elle accoucha. Anas, le frère de par la mère du nouveau-né, apporta justement ce nouveau-né au prophète alayhi salatu wassalam, qui prit une dame et la mâcha, puis il la mit dans la bouche du nouveau-né et le nomma Abdullah. Il l'appela Abdullah. Et les rapporteurs du hadith disent que Abdullah a eu 9 enfants. Tous ont parcourisé le Coran, ils le connaissaient par cœur. Tous, les 9, ont parcourisé le Coran et le connaissaient par cœur. Et ceci est le résultat de la patience et de l'endurance de ses parents, qui ont espéré la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur donna ici-bas et dans l'au-delà. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve. Et il dit, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, ensuite les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Et la personne est éprouvée selon sa foi. Si sa foi est solide, il sera fortement éprouvé. Sinon, on lui allégera les épreuves, Rawahu Ahmed. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, la grande récompense est donnée dans les épreuves les plus dures. La plus grande des récompenses est donnée dans les épreuves les plus dures. Et si Allah aime un peuple, il les éprouve. Et celui qui est satisfait de cette épreuve aura la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui est mécontent de cette épreuve aura le mécontentement d'Allah sur lui. Et quand on lit ceci, on se rend compte que la personne doit patienter quant à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné. Et doit espérer l'énorme récompense qui est auprès d'Allah si elle se montre patiente. Et sachez que la personne peut être éprouvée dans son épouse, et cette épouse peut avoir une langue qui peut causer du tort. Mais est-ce que la solution est de la divorcer directement ou la solution serait de patienter pour Allah subhanahu wa ta'ala? Peut-être que par cette patience, Allah subhanahu wa ta'ala fera que cette femme se remette sur le droit chemin. Et en plus, en patientant, la personne aura une énorme récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la femme est créée d'une peau tordue. Et si tu essaies de la redresser avec dureté, tu la casseras. Et ceci, le fait de la casser, c'est le divorce. Et ceci prouve aussi que la femme ne pourra jamais être sur le même comportement. Mais c'est à toi de t'adapter, de patienter et de supporter ses travers, tout en espérant l'énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, les endurants, ceux qui patientent, auront leur récompense auprès d'Allah sans compter. Wa sallu rahimakumullah ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Imtithal ladhi amri rabbikum, idh yaqul, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأعذنا من الشيطان وجنده يا رب العالمين اللهم برحمتك نستغيث اللهم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد طابت الصلاة قد طابت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين